Chapitre 8e. Le lecteur a pu remarquer que Pipo aimait les vins grecs. Or, quoique les vins d'Orient ne soient pas bavards, après un bon dîner, il jasait volontiers au dessert. Béatrice ne manquait jamais de faire tomber la conversation sur la peinture. Mais dès qu'il en était question, il arrivait de deux choses l'une, où Pipo gardait le silence, et il avait alors un certain sourire que Béatrice n'aimait pas avoir sur ses lèvres, où il parlait des arts avec une indifférence et un dédain singuliers. Une pensée bizarre lui revenait surtout la plupart du temps dans ses entretiens. « Il y aurait un beau tableau à faire, » disait-il. Il représentait le Campo Vaccino à Rome, au soleil couchant. L'horizon est vaste, la place déserte. Sur le premier plan, des enfants jouent sur des ruines. Au second plan, on voit passer un jeune homme enveloppé d'un manteau. Son visage est pâle, ses traits délicats sont altérés par la souffrance. Il faut qu'en le voyant, on devine qu'il va mourir. D'une main, il tient une palette et des pinceaux. De l'autre, il s'appuie sur une femme jeune et robuste qui tourne la tête en riant. Afin d'expliquer cette scène, il faudrait mettre au bas la date du jour où elle se passe, le vendredi saint de l'année 1520. Béatrice comprenait aisément le sens de cette espèce d'énigme. C'était le vendredi saint de l'année 1520, que Raphaël était mort à Rome, et quoiqu'on eût essayé de démentir le bruit qu'en avait couru, il était certain que ce grand homme avait expiré dans les bras de sa maîtresse. Le tableau que projetait Pipo eut donc représenté Raphaël peu d'instants avant sa fin, et une telle scène, en effet, traitée avec simplicité par un véritable artiste, eût pu être belle. Mais Béatrice savait à quoi s'en tenir sur ce projet supposé, et elle lisait dans les yeux de son amant ce qui lui donnait à entendre. Tandis que tout le monde s'accordait en Italie à déplorer cette mort, Pipo avait coutume au contraire de la vanter, et il disait souvent que malgré tout le génie de Raphaël, sa mort était plus belle que sa vie. Cette pensée révoltait Béatrice, sans qu'elle pût se défendre d'en sourire. C'était dire que l'amour vaut mieux que la gloire, et si une pareille idée peut être blâmée par une femme, elle ne peut du moins l'offenser. Si Pipo avait choisi un autre exemple, Béatrice aurait peut-être été de son avis. Mais pourquoi, disait-elle, opposer l'une à l'autre deux choses qui sympathisent si bien? L'amour et la gloire sont le frère et la sœur. Pourquoi veux-tu les désunir? On ne fait jamais bien deux choses à la fois, ajoutait Pipo. Tu ne conseillerais pas à un commerçant de faire des vers en même temps que ses calculs, ni à un poète donner de la toile pendant qu'il chercherait ses rimes. Pourquoi veux-tu me faire peindre pendant que je suis amoureux ? Béatrice ne savait trop que répondre, car elle n'osait dire que l'amour n'est pas une occupation. « Veux-tu donc mourir comme Raphaël ? » demandait-elle. « Et si tu le veux, que ne commences-tu par faire comme lui ?»« C'est au contraire, » répondait Pipo, « de peur de mourir comme Raphaël, que je ne veux pas faire comme lui. » Ou Raphaël a eu tort de devenir amoureux étant peintre, ou il a eu tort de se mettre à peindre étant amoureux. C'est pourquoi il est mort à 37 ans. D'une manière glorieuse, il est vrai. Mais il n'y a pas de bonne manière de mourir. S'il eût fait seulement 50 chefs-d'œuvre de moins, c'eût été un malheur pour le pape qui aurait été obligé de faire décorer ses chapelles par un autre. Mais la fornarine en aurait eu 50 baisers de plus, et Raphaël aurait évité l'odeur des couleurs à l'huile, qui est si nuisible à la santé. Feras-tu donc de moi une fornarine ? S'écriait alors Béatrice. « Si tu ne prends soin ni de ta gloire ni de ta vie, veux-tu me charger de l'ensevelir ?»« Non, en vérité, » répondait Pipo en portant son verre à ses lèvres. « Si je pouvais te métamorphoser, je ferais de toi une staphylée. » Malgré le ton qu'il affectait, Pipo, en s'exprimant ainsi, ne plaisantait pas tant qu'on pourrait le croire. Il cachait même sous ses railleries une opinion raisonnable, et voici quel était le fond de sa pensée. On a souvent parlé dans l'histoire des arts de la facilité avec laquelle de grands artistes exécutaient leurs ouvrages, et on en a cité qui savaient allier au travail le désordre et l'oisiveté même. Mais il n'y a pas de plus grande erreur que celle-là. Il n'est pas impossible qu'un peintre exercé, sûr de sa main et de sa réputation, réussisse à faire une belle esquisse au milieu des distractions et des plaisirs. Le Vinci peignit quelquefois, dit-on, tenant sa lyre d'une main et son pinceau de l'autre. Mais le célèbre portrait de la Joconde resta 4 ans sur son chevalet. Malgré de rares tours de force qui, en résultat, sont toujours trop vantés, il est certain que ce qui est véritablement beau est l'ouvrage du temps et du recueillement. et qu'il n'y a pas de vrai génie sans patience. Pipo était convaincu de cette règle, et l'exemple de son père l'avait confirmé dans son opinion. En effet, il n'a peut-être jamais existé un peintre aussi hardi que le Titien, si ce n'est son élève Rubens. Mais si la main du Titien était vive, sa pensée était patiente. Pendant 99 ans qu'il vécut, il s'occupa constamment de son art. À ses débuts, il avait commencé à peindre avec une timidité minutieuse et une sécheresse qui faisait ressembler ses ouvrages aux tableaux gothiques d'Albert Dürer. Ce ne fut qu'après de longs travaux qu'il osa obéir à son génie et laisser courir son pinceau. Encore eut-il quelquefois à s'en repentir, et il arriva à Michel-Ange de dire, en voyant une toile du Titien, qu'il était fâcheux qu'à Venise on négligeât les principes du dessin. Or, au moment où se passait ce que je raconte, une facilité déplorable, qui est toujours le premier signe de la décadence des arts, régnait à Venise. Pipo, soutenu par le nom qu'il portait, avec un peu d'audace et les études qu'il avait faites, pouvait aisément et promptement s'illustrer. Mais c'était là précisément ce qu'il ne voulait pas. Il le regardait comme une chose honteuse de profiter de l'ignorance du vulgaire. Il se disait avec raison que le fils d'un architecte ne doit pas démolir ce qu'a bâti son père, et que si le fils du Titien se faisait peintre, il était de son devoir de s'opposer à la décadence de la peinture. Mais pour entreprendre une pareille tâche, il lui fallait sans aucun doute y consacrer sa vie entière. Réussirait-il ? C'était incertain. Un seul homme a bien peu de force quand tout un siècle lutte contre lui. Il est emporté par la multitude comme un nageur par un tourbillon. Qu'arriverait-il donc ? Pipo ne s'aveuglait pas sur son propre compte. Il prévoyait que le courage lui manquerait tôt ou tard, et que ses anciens plaisirs l'entraîneraient de nouveau. Il courait donc la chance de faire un sacrifice inutile, soit que ce sacrifice fût entier, soit qu'il fût incomplet. Et quel fruit en recueillerait-il ? Il était jeune, riche, bien portant, et il avait une belle maîtresse. Pour vivre heureux sans qu'on eût, après tout, de reproches à lui faire, il n'avait qu'à laisser le soleil se lever et se coucher. Fallait-il renoncer à tant de biens pour une gloire douteuse qui probablement lui échapperait ? C'était après y avoir mûrement réfléchi que Pipo avait pris le parti d'affecter une indifférence qui peu à peu lui était devenue naturelle. « Si j'étudie encore 20 ans, disait-il, et si j'essaie d'imiter mon père, je chanterai devant des sourds. Si la force me manque, je déshonorerai mon nom. » Et avec sa gaieté habituelle, il concluait en s'écriant « Au diable la peinture, la vie est trop courte !» Pendant qu'il disputait avec Béatrice, le portrait restait toujours inachevé. Pipo rentra un jour par hasard dans le couvent des Servites. Sur un échafaud élevé dans une chapelle, il aperçut le fils de Marco Vecellio, celui-là même qui, comme je l'ai dit plus haut, se faisait appeler aussi le Tizianello. Ce jeune homme n'avait pour prendre ce nom aucun motif raisonnable, si ce n'est qu'il était parent éloigné du Titien, et qu'il s'appelait de son nom de baptême Tito, dont il avait fait Titien et de Titien Tizianello, moyennant quoi les badauds de Venise le croyaient héritier du génie du grand peintre et s'extasiaient devant ses fresques. Pipo ne s'était jamais guère inquiété de cette supercherie ridicule, mais en ce moment, soit qu'il lui fût désagréable de se trouver vis-à-vis de ce personnage, soit qu'il pensât sa propre valeur plus sérieusement que d'ordinaire, il s'approcha de l'échafaud qui était soutenu par de petites poutres mal étayées. Il donna un coup de pied sur l'une de ces poutres et la fit tomber. Fort heureusement, l'échafaud ne tomba pas en même temps, mais il vacilla de telle sorte que le soi-disant Tizianello chancela d'abord comme s'il eût été ivre, puis acheva de perdre l'équilibre au milieu de ses couleurs, dont il fut bariolé de la plus étrange façon. On peut juger lorsqu'il se releva de la colère où il était. Il descendit aussitôt de son échafaud et s'avança vers Pipo en lui adressant des injures. Un prêtre se jeta entre eux pour les séparer au moment où ils allaient tirer l'épée dans le saint lieu. Les dévotes s'enfuient épouvantés, avec de grands signes de croix, tandis que les curieux s'empressèrent d'accourir. Tito criait à haute voix qu'un homme avait voulu l'assassiner et qu'il demandait justice de ce crime. L'apôtre renversé en témoignait. Les assistants commencèrent à murmurer et l'un d'eux, plus hardi que les autres, voulut prendre Pipo au collet. Pipo, qui n'avait agi que par étourderie et qui regardait cette scène en riant, se voyant sur le point d'être traîné en prison et s'entendant traiter d'assassin, se mit à son tour en colère. Après avoir rudement repoussé celui qui voulait l'arrêter, il s'élança sur Tito. « C'est toi, » s'écria-t-il en le saisissant, « c'est toi qu'il faut prendre au collet et mener sur la place Saint-Marc pour y être pendu comme un voleur. Sais-tu à qui tu parles, emprunteur de nom ? Je me nomme Pomponio Vecellio, fils du Titien. J'ai donné tout à l'heure un coup de pied dans ta baraque d'Ermoulu, mais si mon père eût été à ma place, sois sûr que pour t'apprendre à te faire appeler le Tizianello, il t'aurait si bien secoué sur ton arbre que tu en serais tombé comme une pomme pourrie, mais il n'en serait pas resté là. Pour te traiter comme tu le mérites, il t'aurait pris par l'oreille, insolent écolier, et il t'aurait ramené dans l'atelier, dont tu t'es échappé avant de savoir dessiner une tête. De quel droit salis-tu les murs de ce couvent et signes-tu de mon nom tes misérables fresques ? Va-t'en apprendre l'anatomie et copier des écorchés pendant 10 ans, comme je l'ai fait moi chez mon père, et nous verrons ensuite qui tu es et si tu as une signature. Mais jusque-là, ne t'avise plus de prendre celle qui m'appartient, sinon je te jette dans le canal afin de te baptiser une fois pour toutes. » Pipo sortit de l'église sur ces mots. Dès que la foule avait entendu son nom, elle s'était aussitôt calmée. Elle s'écarta pour lui ouvrir un passage et le suivit avec curiosité. Il s'enfuit à la petite maison où il trouva Béatrice qui l'attendait. Sans perdre de temps à raconter son aventure, il prit sa palette et, encore ému de colère, il se mit à travailler au portrait. En moins d'une heure, il l'acheva. Il y fit en même temps de grands changements. Il retrancha d'abord plusieurs détails trop minutieux. Il disposa plus librement les draperies, retoucha le fond et les accessoires, qui sont des parties très importantes dans la peinture vénitienne. Il en vint ensuite à la bouche et aux yeux, et il réussit, en quelques coups de pinceau, à leur donner une expression parfaite. Le regard était doux et fier. Les lèvres, au-dessus desquelles paraissait un léger duvet, étaient entr'ouvertes. Les dents brillaient comme des perles, et la parole semblait prête à sortir. « Tu ne te nommeras pas Vénus couronnée, » dit-il quand tout fut fini, « mais Vénus amoureuse. » On devine la joie de Béatrice. Pendant que Pipo travaillait, elle avait à peine osé respirer. Elle l'embrassa et le remercia 100 fois, et lui dit qu'à l'avenir, elle ne voulait plus l'appeler Tizianello Méticien. Pendant le reste de la journée, elle ne parla que des beautés sans nombre qu'elle découvrait à chaque instant dans son portrait. Non seulement elle regrettait qu'il ne pût être exposé, mais elle était prête de demander qu'il le fût. La soirée se passa à Quintabale, et jamais les deux amants n'avaient été plus gais ni plus heureux. Pipo montrait lui-même une joie d'enfant, et ce ne fut que le plus tard possible, après 1000 protestations d'amour, que Béatrice se décida à se séparer de lui pour quelques heures. Elle ne dormit pas de la nuit. Les plus riants projets, les plus douces espérances l'agitèrent. Elle voyait déjà ses rêves réalisés, son amant vanté et envié par toute l'Italie, et Venise lui devant une gloire nouvelle. Le lendemain, elle se rendit comme d'ordinaire, la première, au rendez-vous, et elle commença, en attendant Pipo, par regarder son cher portrait. Le fond de ce portrait était un paysage. Il y avait sur le premier plan une roche. Sur cette roche, Béatrice aperçut quelques lignes tracées avec du cinabre. Elle se pencha avec inquiétude pour les lire. En caractère gothique, très fin, était écrit le sonnet suivant. Béatrice Donato fut le doux nom de celle dont la forme terrestre eut ce divin contour. Dans sa blanche poitrine était un cœur fidèle, et dans son corps sans tache un esprit sans détour. Le fils du Titien, pour la rendre immortelle, fit ce portrait témoin d'un mutuel amour. Puis il cessa de peindre à compter de ce jour, ne voulant de sa main illustrer d'autre qu'elle. Passant, qui que tu sois, si ton cœur s'est aimé, regarde ma maîtresse avant de me blâmer, et dis si par hasard la tienne est aussi belle. Vois donc combien c'est peu que la gloire est si bas, puisque tout beau qu'il est, ce portrait ne vaut pas, crois-moi sur ma parole, un baiser du modèle. Quelque effort que Béatrix put faire par la suite, elle n'obtint jamais de son amant qu'il travaillât de nouveau. Il fut inflexible à toutes ses prières, et quand elle le pressait trop vivement, il lui récitait son sonnet. Il resta ainsi jusqu'à sa mort fidèle à sa paresse, et Béatrice, dit-on, le fut à son amour. Ils vécurent longtemps comme deux époux, et il est à regretter que l'orgueil des Lorédans, blessé de cette liaison publique, ait détruit le portrait de Béatrice, comme le hasard avait détruit le premier tableau du Tizianello. Ainsi s'achève Le fils du Titien par Alfred de Musset.